Je suis le colonel Jean-Pierre Avidol, responsable officiel des affaires non classées, ancien commandant de la 7e compagnie et président du club non officiel des rencontres du 3e type. Vous êtes là parce que vous avez été témoin de phénomènes étranges qui officiellement n'ont jamais existé. Votre petit séjour ici a pour but de vous le rappeler, ou plutôt de vous le faire oublier. Ça veut dire qu'on va pouvoir voir des martiens du coup ? Négatif. Les petits bonhommes verts n'existent pas. Et des ovnis ? Négatif. En gros, vous nous demandez de cacher la vérité. Positif. Officiellement, tout ceci ne nous regarde pas. Ou plutôt, ne vous regarde pas. Vous m'avez compris ? Non.